1 Timothée chapitre 5. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens, comme des frères, les femmes âgées, comme des mères, les jeunes, comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Mais si quelque veuve a des enfants, ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison, et à rendre la pareille à ceux dont ils sont descendus, car cela est bon et agréable devant Dieu. Or celle qui est vraiment veuve, et qui est laissée seule, espère en Dieu, et persévère en prière et en oraison nuit et jour. Mais celle qui vit dans les délices, est morte en vivant. Avertis-les donc de ces choses, afin qu'elles soient irrépréhensibles. Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Que la veuve soit enregistrée, n'ayant pas moins de 60 ans, et n'ayant eu qu'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir fait de bonnes œuvres, comme d'avoir nourri ses propres enfants, d'avoir logé les étrangers, d'avoir lavé les pieds des saints, d'avoir secouru les affligés, et de s'être ainsi constamment appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refuse des veuves qui sont plus jeunes, car quand elles sont devenues lascives contre Christ, elles veulent se remarier, ayant leur condamnation, en ce qu'elles ont faussé leur première foi. Et avec cela aussi étant vasives, elles apprennent à aller de maison en maison, et sont non seulement vasives, mais aussi causeuses et curieuses, discourant de choses malséantes. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage, et qu'elles ne donnent aucune occasion à l'adversaire de médire. Car quelques-unes se sont déjà détournées après 7 ans. Que si quelque homme, ou quelque femme fidèle, a des veuves, qu'il les assiste, mais que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'il y ait assez pour celles qui sont vraiment veuves. Que les anciens qui président du Mans, soient réputés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'instruction. Car l'Écriture dit, « Tu n'émuselleras point le bœuf qui foule le grain, et, l'ouvrier est digne de son salaire. » Ne reçois point d'accusation contre l'ancien, que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Reprends publiquement ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, et devant le Seigneur Jésus-Christ, et devant les anges élus, de garder ces choses, sans préférer l'un à l'autre, ne faisant rien en penchant d'un côté. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe point au péché d'autrui, garde-toi pur toi-même. Ne bois plus uniquement de l'eau, mais use d'un peu de vin, à cause de ton estomac, et des maladies que tu as souvent. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant, et précèdent pour leur condamnation, mais en d'autres ils suivent après. Les bonnes œuvres aussi se manifestent auparavant, et celles qui sont autrement, ne peuvent point être cachées.